souvent que je pense à toi. C'est doucement que tu colles ton bras comme un aimant entre toi et moi. Et lentement, la vie se défend des coups d'amour que tu donnes dedans. Et chaque jour, le ciel bleu s'étend. C'est comme un rêve dont je dépends, comme une rose. Tu viens si souvent me dire les choses si tendrement. Comme vient du monde, garde en mémoire la part de sombre de leurs histoires. Combien du monde garde en mémoire jour après jour le cours du temps. Vois mon amour bien longtemps allonge ses heures si insouciant. Bien des querelles au goût du jour attendent ma belle.